Mon nom est André Dudomaine, je suis directeur du festival Présence autochtone qui se tient présentement à Montréal jusqu'au 15 août. Est-ce que vous pouvez nous parler des origines du festival? Le premier festival a eu lieu en 91, mais la gestation a été un peu plus longue, c'est-à-dire que à partir des années 85, dans le milieu autochtone de Montréal, on trouvait important d'avoir un festival annuel dédié aux arts premiers des Inuits, des Premières Nations, et ça n'existait pas dans la panoplie culturelle fort variée de Montréal, donc c'est un morceau important. Et puis finalement, il fallait que quelqu'un se décide à le faire. Et c'est comme ça qu'avec deux autres complices, on a formé une association et on a décidé de démarrer la chose. Voilà. Vous étiez trois à l'origine, donc? Oui, exactement. Former une petite équipe? Tout simplement avec l'idée que, c'est ce que je disais aux associations et aux artistes qui voulaient avoir ce festival, je disais, un festival, c'est une opération de commando, hein. C'est demandez pas à l'Association des centres d'amitié, à l'Assemblée des Premières Nations, aux instituts culturels qui sont sur la sauvegarde de la langue. Tous ces gens-là sont très occupés à accomplir leur propre mission, et un festival, ça demande un engagement total. Comment ça a été au début pour trouver les ressources pour organiser ce festival? Ah ben, ça a été très difficile parce que dès qu'on eut fondé l'association Terres en vue et qu'on commençait à vouloir organiser le premier festival, la crise d'Oka a éclaté. Donc, il y a eu une résistance là contre les bulldozers qui voulaient enterrer une pinède dans laquelle il y avait un cimetière patrimonial. Alors, les Mohawks ont organisé la résistance. Et il y a eu des blocages de route, des blocages de pont, alors ça a créé des tensions énormes. Et au début, il a fallu, et je le dis souvent, c'est les artistes qui nous ont mis au monde, puisque c'est un spectacle bénéfice avec Richard Desjardins, Florent Volant, Alanis Obomsawin, Laina Tulagak, au Café Campus, qui nous aura permis de faire le premier festival. Et tout était bénévole, on n'avait pas aucune ressource gouvernementale et très peu d'appui. Alors, donc, les premières années ont été très difficiles. Puis, peu à peu, avec le temps, on a établi une crédibilité, établi beaucoup de collaborations avec des institutions qui avaient pignon sur rue à Montréal. Et puis, tranquillement, on a réussi à bâtir le festival, bâtir l'organisation. En 2001, il y a eu un grand tournant avec l'organisation du tricentenaire de la Grande Paix de Montréal de 1701 qu'on a bâti avec Pointe-à-Calière, le Musée d'histoire et d'archéologie de Montréal. Alors là, à partir de là, on est devenu un joueur qui comptait. Et puis l'autre grand bond en avant, ben, c'est en 2010 quand on a pu enfin accéder à la toute nouvelle place des festivals et trouver le moyen d'y déployer une scénographie inspirée de l'imaginaire visuel des premiers peuples qui fait la fierté des Montréalais aujourd'hui et qui est absolument magnifique. Elle est là maintenant pour venir la voir. Donc, vous êtes né dans un contexte, on pourrait dire, de résistance et de résurgence? Effectivement, et qui continue par ailleurs. Ça, c'est plutôt, on ne parle pas d'un contexte, mais d'une ère, je pense, historique, d'une période historique, où après des années de génocide ethnocidaire, dans le sens qu'on voulait faire disparaître les cultures autochtones, c'était l'objectif des fameux pensionnats amérindiens. Mais après, il y a eu une autre période de marginalisation où l'art renaissant qui cherchait à aller de l'avant était plutôt ignoré. Et puis finalement, dernièrement, là, il y a eu une véritable reconnaissance de la nécessité, d'une part, de réconciliation et d'autre part, de rattrapage éducatif, culturel, identitaire, que doivent accomplir les Premières Nations. Et là, on commence à avoir un peu plus d'appui conséquent avec cette mission. Sur toutes les années où vous avez existé, maintenant assez longtemps, comment vous avez vu l'évolution des arts autochtones en parallèle avec... Disons que déjà dans les années 90, on nous disait « Quoi, avez-vous assez d'artistes, assez de production, assez de cinéma pour tenir un festival annuel? » On en doutait beaucoup. Or, ce que je répondais alors, et je pourrais d'ailleurs dire la même chose aujourd'hui, c'est que dans la pyramide des âges est très élargie vers le bas chez les populations autochtones. Et il y a donc énormément de jeunes qui poussent et qui ont besoin d'inventer eux-mêmes à partir de l'horizon qui est le leur, de réinventer les paramètres de l'identité. D'où le fait qu'il y aura beaucoup d'artistes qui vont héberger, qui vont pousser et qui vont avoir un lien très spécial avec leur société, puisqu'ils vont se trouver dans ce rôle, certains disent de chaman, d'autres de thérapeute, mais enfin, reste qu'ils se trouvent un peu comme des guides qui, en tâtonnant, ouvrent de nouveaux chemins. Hier soir, on assistait à un film qui raconte un peu la résurgence autochtone à travers la musique. Exact. Ouais. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Et oui, alors c'est intéressant. Le film était assez passionnant qu'il y avait quand même pas mal de spectateurs sous la pluie et sous les parapluies qui ont resté sur la place des festivals. Et ça me permet de dire que dans le secteur cinéma, il y a eu là aussi une évolution fulgurante. Il y a longtemps, on avait surtout des courts-métrages, et quand ça allait au moyen-métrage, c'était des documentaires. Alors aujourd'hui, on a des films de fiction magnifiques qui sont produits par des réalisateurs autochtones. Notamment ce soir à Concordia, on va avoir une projection de Sweet Country qui est réalisée par Warwick Thornton, qui est un aborigène australien. Et c'est un long-métrage de fiction qui s'est hérité le prix du jury à la dernière Mostra de Venise. Donc, c'est un film majeur. Et on a aussi, un peu plus tard, Winnie Aitacha, c'est vendredi, et qui est le premier long-métrage de fiction tourné en langue Aymara, qui est une langue autochtone du Pérou, de Bolivie, d'Équateur. Alors, c'est une production péruvienne, et c'est un film absolument magnifique. C'est une première nord-américaine. Nous sortons le film dans le festival ici, le même soir qu'il connaît sa première sortie commerciale à Lima. C'est né aussi cette année particulièrement dans ce contexte de résistance contre la non-présence autochtone dans des pièces comme Kanata. Il y a comme cette polémique qui arrive juste avant le festival. Puis là, il y a le festival qui s'appelle Présence autochtone en plus. Comment vous voyez cette évolution-là dans cet été de résistance aussi culturelle? Je pense que là, la résistance culturelle vient plutôt des gens qui sont dans des positions privilégiées ou dominantes dans les arts et qui résistent à entrouvrir la porte pour qu'enfin les Autochtones aient leur part d'espace sur la scène et derrière la scène aussi, hein, dans la création, la mise en place des décors, des éclairages. Et finalement, il y a comme un réflexe un peu paresseux de toujours rester dans le même cercle et de pas faire place. Et ce à quoi on a assisté, je pense, c'est à ce qu'en philosophie, on appelle un moment de vérité, c'est-à-dire où des tensions, des conflits qui sont latents et qu'on cherche à balayer sous le tapis, tout d'un coup, nous sautent en plein visage. Alors, c'est sûr que c'est pas une situation parfaitement heureuse, parce que c'est mieux que quand les évolutions peuvent suivre tranquillement leur cours, mais parfois, il faut savoir élever le ton et donner un grand coup de poing sur la table. Ça ébranle un peu tout le monde, mais souvent, c'est la seule façon de se faire entendre. Et que ça arrive juste avant le festival, ma foi, ben évidemment, c'est un hasard, mais un hasard qui sans doute fait bien les choses, puisque quand on vient en présence autochtone, les gens pourront voir que toute la programmation, que ce soit en cinéma, que ce soit sur scène, que ce soit dans les concerts, que c'est un grand espace de collaboration, ce n'est pas une réserve, j'oserais dire, avec mur, ce n'est pas une tour d'ivoire, ce n'est pas un ghetto. C'est au contraire un espace de collaboration, d'amitié entre artistes de toute origine, de tout genre et de tous âges. Parallèlement à ça, dans le fond, sur cette question, comment vous avez vu les relations se passer entre autochtones et allochtones, l'évolution à travers, entre autres, ce festival puis les rencontres que ça a donné? Déjà, ce matin même, le Conseil des arts et lettres du Québec a annoncé sur la place des festivals, au pied de notre grand tipi de 100 pieds de haut, un nouveau programme destiné destinée aux créateurs et aux organismes culturels et artistiques des Premières Nations du Québec. Et c'est déjà un grand pas en avant. Bon, il faudra voir comment le programme fonctionne, mais reste qu'il a été bâti avec énormément de consultations avec les principaux concernés. Et déjà, le fait que on ait développé ce secteur au sein d'une grande institution québécoise, c'est vraiment déjà un signe d'une évolution majeure. Il y a sûrement plusieurs aspects du festival dont on n'a pas parlé. Je sais pas, il y a peut-être des dimensions que vous aimeriez aborder en ce moment, plus particulièrement. Oui, d'abord la dimension internationale, hein, évidemment avec Canada, on reste au Canada, mais si vous regardez dans la programmation et surtout dans la programmation film, il y a des productions qui viennent de l'extérieur. J'ai mentionné Winnie Patcha, mais il faudrait mentionner aussi Aria Piau de Guarani Spring, un film brésilien absolument magnifique sur le combat des Guarani qui vivent dans la mégalopole de São Paulo et qui continuent vraiment avec des actions directes assez spectaculaires à combattre pour leurs droits. On peut également mentionner la Selva Negra qui nous vient du Mexique, en fait du Chiapas, où il y a le co-réalisateur choqué du film sera là pour venir après qu'on ait vu ce film où on voit un Aymara ancien qui est confronté au monde moderne. Et il y a tout un questionnement, non seulement par rapport à l'intrusion, si on peut dire, du monde contemporain dans ce monde antique, mais aussi du rôle ambigu parfois que les technologies contemporaines comme le cinéma peuvent jouer de façon positive d'un côté, mais aussi qui affecte la pérennité des cultures anciennes. Et aussi, ce soir, il y a de Jerry Cannes qui va être sur la place des festivals, précédé de Béatrice Deer. Alors là, ça va être très tourné vers les cultures inuites. Les Jerry Cannes viennent d'Iqaluit, au Nunavut, et c'est vraiment un groupe qui swing. Alors, vous avez le choix entre l'air climatisé des salles de cinéma ou les airs torrides des chansons nordiques. Oui, aussi, il y avait des films maori hier et aujourd'hui. Oui, hier, et en fait, les films maoris, c'est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à 14h30, qui vont être présentés. Et vraiment, c'est intéressant. Et puis, il y en avait hier aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les maoris de Nouvelle-Zélande sont venus avec leurs films, se sont assurés d'avoir des versions sous-titrées français pour venir à Montréal. Donc, c'est un festival qui permet des rencontres internationales entre peuples autochtones aussi. Effectivement, demain, par exemple, à l'espace culturel à Soukan, on aura Jerker Brixelius, qui est un Sami de Suède et qui est aussi directeur d'une fondation et d'un centre culturel à Österlund, qui est le territoire des Samis du Sud. Et donc, ça va nous permettre d'échanger et d'ailleurs, tout le monde est bienvenu sur l'opération et les défis qui attendent des gens qui ont un centre culturel autochtone, comme on espère en bâtir un à Montréal dans les prochaines années. Ah oui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Oui, alors c'est un projet que à partir de Montréal, on a appelé Destination. Ça remonte vraiment au siècle dernier, 97-98, quand on a commencé à voir les premières discussion avec les autorités, avec l'idée d'avoir un lieu permanent pour la diffusion, la transmission, la promotion des cultures autochtones et qui ferait partie des grandes institutions montréalaises. Et ma foi, ce dossier-là était très, très lent à faire avancer. Là, il est mûr. Le projet est complété. On a joué un volet touristique pour assurer un autofinancement projet une fois que le bâtiment serait là. La ville a très clairement donné son appui. Entre le fédéral et le provincial, on s'assène et on tergiverse pour quelques millions de dollars, ce qui est complètement ridicule compte tenu de l'importance du projet. Et quand on voit les sommes qui sont allègrement dépensées ailleurs, c'est très choquant. Je pense que c'est bien parce que les Premières Nations ont encore aussi d'autres batailles à mener pour être pleinement reconnues. Oui, effectivement. Puis, l'entrevue va passer demain. Alors, qu'est-ce qui est à s'attendre depuis demain jusqu'aux dernières journées du festival? Parfait. Alors, vendredi 10 août à voir, effectivement, il y a le film Winnie Aïe Patcha, qui est un film en langue aïmara, un long métrage. C'est le premier du genre et il vient de sortir. Il y a demain la présentation ici à Montréal du film et ça coïncide exactement avec le moment où il va avoir sa première sortie commerciale à Lima. Il y aura également à voir la grande féerie sur la genèse selon la tradition iroquoise. Yoskea et Tawiskara, le grand jeu de la création. Alors, on a deux figures, deux effigies qui rappellent les géants primordiaux, jumeaux ennemis qui, dans leur affrontement, ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, l'action est aussi bien sur la place que sur la scène. Ça va être sur la place des festivals. Donc, c'est vraiment un spectacle immersif avec des marionnettes géantes, des projections vidéo, le tambour traditionnel qui accompagne la représentation. Ça va être quelque chose de tout à fait magique. Demain, samedi, le 11 août, à ne pas manquer, c'est le grand défilé de l'amitié nouestro-americana, 1500 danseurs costumés dans les rues de Montréal, de toutes les traditions, des communautés culturelles de la ville, qui se réunissent là bénévolement. Hein. Tous ces gens-là ne sont pas payés, on n'aurait pas les moyens d'ailleurs. Alors ces gens-là vont, avec 69 groupes différents, vont traverser à partir de la rue Metcalf, la rue Sainte-Catherine, jusqu'à la place des festivals. Et là, il y aura une grande représentation sur scène où chaque groupe va venir faire 3 minutes sur scène. Alors, vous pouvez imaginer que ce sera un concentré de talent et d'éclat et qu'un spectacle hyper dynamique. Là, c'est un peu notre festival à Rio dans le cadre de présence autochtone. Et puis après, il y a le show d'Ikamotan qui met en scène des jeunes artistes des Premières Nations. On a notamment Iskwe, hein, qui est maintenant connu, elle a eu des Juno, et donc une grande artiste à découvrir, qui sera accompagnée d'autres jeunes artistes. Également, je souligne pour le 15 août, hein, mercredi, la clôture à la Grande Bibliothèque, grand événement international, j'appelle ça un film choral. Il y a un regroupement autour du Wapikoni Mobile, qu'on connaît bien ici au Québec, regroupement des organisations qui font des productions audiovisuelles, cinématographiques dans les communautés autochtones. Et là, vraiment, à partir d'un schéma et d'un thème, qui est le thème cette année, c'est la femme, donc ce sont toutes des réalisatrices d'une quinzaine de pays différents qui ont fait des courts-métrages sur le même thème. Et une fois assemblé, ça devient un long métrage. Alors, ça va être la première mondiale. Il y aura plusieurs des gens impliqués qui vont être là. Et évidemment, tout le staff du Wapikoni Mobile sera là aussi. Ça va être un très bel événement. Et c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Témiscamingtén. Merci à vous.